Cours numéro 1. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu. Wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alayhi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. On commence à partir d'aujourd'hui et tous les samedis, bi'aunillahi subhanahu wa ta'ala wa tawfiqih, un nouveau dars ensemble, un nouvel horaire. Fa nas'alullah azza wa jal an yubarik lana fi hadha alwaqt wa fi hadhihi alkutub allati nurid an nadrusaha ma'a ikhwanina. Et ce nouvel horaire le samedi à 11h à Indana. On va essayer d'étudier ensemble certaines rasa'il min ulama'ina alayhim rahmatullah wa hafidha al-ahya minhum. On va essayer d'étudier certaines rasa'il fi ulum al-ala wa ulum al-ala. C'est des matières très très importantes pour talib al-ilm. Les anna al-ulama, alayhim rahmatullah, veillent-nous, ils ont montré anna al-ulum, je peux classer les différentes sciences en deux catégories. Ulum, ghaïa, et la deuxième catégorie, ulum al. Fa ulum al-ghaïa, c'est le but. Comme قال عز وجل وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. والنبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رايتموني اصلي خذوا عني مناسككم. Et beaucoup de adila fi hadha al-bab an al-wajib 'ala al-insan an yata'allam dinah. Eh hadha al-'ilm aw hadhihi al-'ulum 'ulum al-ghaya fa kama qulna c'est le but. Ces ulum, c'est dînu Allah subhanahu wa ta'ala, le Coran, le sunna, la fahm al-salaf. Et ça englobe ilm, ou ulum al-aqaid, al-tawhid, al-aqida, al-asma wal-sifat. Tous les livres, walillahi alhamd, que les ulama, ils ont écrit في bab al-tawhid, ou في bab al-mu'taqad. Bab al-tawhid, et tawhid al-ibada, et adorer Allah subhanahu wa ta'ala seul, comme les livres qu'on a étudiés, walillahi alhamd. L'année passée, Kitab Tawhid, Wakash Shubuhat, etc. Et Bab al-Mu'taqad, Aqidat al-Salaf. Et c'est les drous, Walillahi al-Hamd, qu'on étudie ensemble, fi hadhihi al-ayyam, ka l'um'atu li'i'tiqad, wa l'iqtisad fi li'i'tiqad, wa l'qaw'id al-mutla, wa l'wasitiyya, wa l'tahawiyya, wa hakada. Et kathalik, min hadha al-bab, ilmu al-fiqh. Ay, comment adore Allah subhanahu wa ta'ala? باب الطهارة وباب الصلاة والصيام وقبل ذلك الزكاة والحج ما يتعلق بالنكاح والبيوع etc. les livres de fiqh qui sont connus عند الجميع. فهذه العلوم علوم الغاية c'est ça le but. On a tous été créés pour هذا, pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala seul. On a été créés pour avoir هذا الإيمان الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. هكذا جميع مسائل الغيب. On doit croire ما يتعلق بيوم القيامة ما جاء بعد الموت etc. Ça c'est واجب pour chaque مؤمن d'avoir هذا المعتقد هذا الإيمان. Et كذلك de faire des efforts في هذا الباب, au moins les bases, التوسع, le fait de détailler via le bab, c'est pas obligatoire pour chaque musulman. فهذا سمين شأن طلبة العلم وقبلهم العلماء. وإلا chaque musulman il doit connaître Allah subhanahu wa ta'ala, il doit connaître le Rasoul alayhi salatu salam, il doit connaître son din. ولو des bases كالأصول الثلاثة ونواقد الإسلام, ça c'est مهم جدا. وهكذا chaque مؤمن il doit avoir un minimum في الفقه, التوسع, le fait de détailler, de consacrer son temps à hada, c'est min sha'n talib al-ilm. لكن شاك مسلم يدوى دوني دو تان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم فشاك مسلم يدوى أبخند كومان فيغ الصلاة قبل ذلك ما يتعلق بالطهارة كسكي أنيل الوضوء كومان فيغ الوضوء ما يتعلق بالتيمم كونت إلا بلو دو وهكذا المرأة يجب عليها أن تتعلم كومان فيغ إذا جاءها الحيض أي الدورة الشهرية comment faire pour se purifier elle doit connaître quelques règles liées au menstru لماذا لأن chaque musulman doit connaître ce qu'il a besoin dans son din مثلا celui qui a de l'argent va il doit avoir des connaissances comment faire ou comment sortir le zakat celui qui fait du commerce il doit avoir des connaissances qu'est-ce qui est légiféré qu'est-ce qui n'est pas légiféré qu'est-ce qui est halal qu'est-ce qui est haram qu'est-ce qui est طيب, qu'est-ce qui n'est pas طيب, ou hakada. Celui qui a de l'argent et compte faire le hajj, il doit donner du temps à apprendre comment faire le hajj, ou l'ouvirtisar, sans rentrer dans al-khilaf ila akhirah pour les débutants ou pour l'awam. Fa-hadihi hiya ulumul ala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Hadi al-ibada est fondée sur l'ilm. Tu ne peux pas adorer Allah subhanahu wa ta'ala sans avoir un minimum de science. لأن tu peux pas faire une chose que tu ignores فالعبادة لمبنية على العلم العبادة elle est fondée sur العلم وهناك un قسم آخر et c'est l'objet de notre étude aujourd'hui et inshallah ta'ala le samedi dans ce nouvel horaire c'est علوم الآلة الآلة c'est un outil آلة كذا C'est maintenant, tu as besoin d'un couteau, tu as besoin d'un tournevis, tu as besoin d'une perceuse. هذه آلات. C'est un outil pour t'aider à faire une chose. فهذه العلوم. Qu'on va citer, inshallah ta'ala, ensemble, un bref aperçu. C'est des outils pour t'aider à comprendre. الغاية, المقصود, الهدف. أي التوحيد, والعقيدة, والفقه. Et tout ça, C'est fondé sur le Coran ou le Sunnah. فهذه العلوم, et ces sciences, elles vont t'aider à comprendre le Coran ou le Sunnah. Elles vont t'aider à comprendre les textes, في العقيدة, في التوحيد وفي الفقه. Et بهذا البيان المختصر, ولله الحمد, on comprend que علوم الآلة, bien sûr, ces sciences, elles sont liées aux autres. أي La priorité, التوحيد والعقيدة والفقه. فلهذا طالب العلم, celui qui veut faire des efforts في العلم, et on a déjà répété هذا كثيرا ensemble, ولله الحمد, أنه, il doit savoir comment étudier هذا العلم, حتى يستفيد. C'est pas tous les livres que tu dois étudier. Tel livre, ربما, ce n'est pas bon de l'étudier avant tel livre. Telle matière, ربما, c'est pas bon de l'étudier avant telle matière. فالعلماء رحمهم الله ils ont écrit des mutun nafi'a des livres de base dans chaque science والموفق c'est celui qui suit la voie des salaf في هذا qui suit la voie de nos savants في هذا حتى يستفيد كم من الناس ils ont fait des efforts une certaine durée في العلم وما استفادوا on parlera pas dans ce cours de la niya des autres asbab qui sont la cause de que certains ils n'arrivent pas à avancer. فهذا ولله الحمد. On l'a déjà cité ensemble كثيرا. لكن une des causes c'est عدم الضبط. C'est le fait de ne pas avoir une manhajia واضحة في العلم. Que ça soit dans la mémorisation الحفظ, que ça soit dans الدراسة, que ça soit الدراسة أي l'étude, que ça soit dans تقييد الفوائد, la prise de notes. Que ça soit حتى في الحضور, le fait d'assister. Certains cours, c'est pas pour tout le monde. أما الإنسان qui veut assister à tous les cours, خاصة dans un endroit où il y a beaucoup de دروس. Et الإنسان qui veut tout comprendre d'un coup, ولو s'il est motivé, ولو s'il a une bonne niya, فسيتعب ويتعب غيره. هذا في الحقيقة, il aura du mal à avancer, il perdra son temps, et ربما il sera la cause que certaines personnes, ils perdront leur temps كذلك. هذا c'est مهم. On a déjà expliqué ensemble أن العلم c'est une ni'ma عظيمة. Et هذا العلم لابد من إخلاص. لماذا؟ لأن c'est une عبادة عظيمة. فاعلم أنه لا إله إلا الله. Et كذلك مع هذا الإخلاص الجد والاجتهاد أي la motivation. La motivation بهذا العلم. لأن هذا العلم كما تعلمون il est واسع جدا. Il y a beaucoup de مسائل, il y a beaucoup de livres, il y a beaucoup de matières. فالذي يجتهد il arrivera ولله الحمد. الاجتهاد c'est faire des efforts. Celui qui fait des efforts, il arrivera ولله الحمد à acquérir une petite partie de هذا العلم. لأن الإنسان مهما اجتهد فإلى ضعيف. Il arrivera à acquérir une petite partie. Et cette petite partie, ولله الحمد فيها خير وبركة. Chacun selon ses capacités. مع هذا الإخلاص وهذا الاجتهاد, il faut une méthodologie. أما الفوضى, le manque d'organisation, l'irrégularité, tout ça, là, ça fera du mal à cette personne qui veut faire des efforts dans le ilm par rapport à ses manquements. واسمع لكلام الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. Il a montré l'importance de هذه العلوم, أي علوم الآلة. Et كذلك العلوم الأخرى, أي التوحيد والعقيدة والفقه. قال رحمه الله تعالى كما في إعلام الموقعين لا يحل لأحد أن يفتي في دين الله عز وجل إلا رجلا عارفا بكتاب الله بناسخه ومنسوخه وبمحكمه ومتشابهه وتأويله وتنزيله. تأمل هذا الكلام. العلماء يدوني beaucoup d'importance au علم. فالإمام الشافعي رحمه الله هنا قال لا يحل لأحد. Ça nous montre أن هذا العلم celui qui n'a pas fait d'effort fille, خاصة عند أهله عند العلماء فهذا لا يجوز له أن يتكلم في مسائل لا يحسنها. من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. فالشافعي رحمه الله قال لا يحل لأحد, أي c'est pas permis pour quiconque أن يفتي. الفتوى c'est le fait de donner des jugements في الدين, des réponses في الدين. Est-ce que هذا c'est halal, est-ce que هذا c'est haram, est-ce que هذا c'est légiféré, est-ce que هذا c'est pas légiféré. إلا رجلا عارفا بكتاب الله. C'est la base de notre دين, القرآن الكريم. فهذا القرآن الكريم c'est la base de tous les علوم, العقيدة والتوحيد والفقه. أي ces علوم qu'on a appelé, ou que les علماء plutôt ils ont appelé علوم الغاية, أي le but, c'est في القرآن الكريم. وهكذا في السنة comme il a cité رحمة الله عليه. قال بناسخه ومنسوخه ومحكمه ومتشابهه وتأويله وتنزيله ومكيه ومدنيه وما أريد به وفيما أنزل. تأمل أن هذا القرآن pour le comprendre tu as besoin de certains outils. ومن أعظم ما يستفيد منه طالب العلم pour apprendre ou pour comprendre هذا القرآن bien sûr les livres de tafsir, et كذلك علم نافع علم التفسير أو مقدمة التفسير أو أصول التفسير. Des fondements pour comprendre هذا القرآن. Tu apprendras ce que l'imam Shafi'i رحمه الله هنا il a conseillé, الناسخ والمنسوخ. Il y a des textes في القرآن الكريم ils ont été abrogés par d'autres. فالجاهل qui connaît pas هذا العلم ربما il va baser un jugement dans une masala sur un verset qui a été abrogé. Et il ne saura pas c'est quoi qui a été abrogé et par quoi il a été abrogé et remplacé. Et là, chaque hada, ça ouvre un peu d'égarement, yadam billah. كذلك ومحكمه ومتشابه متشابهه كم من الناس انحرفوا في هذا. بعض الآيات sont محكمه كآيات الصفات وآيات الإيمان et beaucoup de مسائل محكمه ولله الحمد. بعض الآيات متشابهه أي المتشابه tu as besoin pour le comprendre de revenir au محكم. C'est quoi le muhkam? C'est quoi le mutashabih? Il y a des règles via ça. Enfin, celui qui les comprend, là, chaque ça va lui ouvrir des portes via فهم القرآن العظيم. قال وتأويله وتنزيله. التأويل هنا c'est التفسير. Les ulama ils ont expliqué comment interpréter هذا القرآن العظيم. ومكيه ومدنيه. Certains ulama, ils ont fondé des ahkam par rapport à ce que ce verset, cette surah, c'est min al-Makki ou min al-Madani. Al-Makki, c'est ce qui a été révélé pendant la période mekkoise. Al-Madani, c'est ce qui a été révélé pendant la période après l'Hijra. Il y a des ahkam fi hada. Tu verras qu'il y a des versets, مثلاً ما يتعلق بالصيام والزكاة والجهاد etc. Tout ça c'est min al-Madani. لماذا؟ لأنه c'était pas مشروع avant la Hijra. Et tu verras que beaucoup de ayat fi ma yata'allaq bil kuffar wa nusihim ila akhirih, c'était fi al-Makki. أي هذا تستفيد منه من فائدة عظيمة. قال وما أريد به وفيما أنزل ما يتعلق بأسباب النزول. Pour comprendre des versets, كثيرا tu as besoin de connaître pourquoi ce verset il a été révélé, ou quand est-ce qu'il a été révélé, ou sur qui il a été révélé. ثم تستفيد في هذا des فوائد عظيمة. على كل حال هذا ça vous montre أن هذا القرآن العلماء pour faciliter la compréhension, l'explication, ils ont écrit des kutub fi tafsir et ils ont écrit des kutub dans une science qu'ils ont appelée usul at-tafsir. Fa min al-ahmiyya pour talib al-ilm qui veut comprendre le Coran, c'est donner du temps à hada. Wa Cheikh Ibn Uthaymeen rahmatullah alayhi, il a une risala nafi'a usul at-tafsir. Comme cette risala qu'on a al-usul min ilm al-usul. Très simple. Ta'lamoun Cheikh Ibn Uthaymeen rahmatullah alayhi imam في هذه العلوم الى simplifier pour طلبة العلم الرسائل في المصطلح في الاصول في علم التفسير في القواعد الى اخره رحمه الله عليه لماذا لانه رحمه الله c'était un faqih un imam في التوحيد والعقيده un imam في التفسير رحمه الله عليه il connaissait l'importance de هذه العلوم c'est pour ça qu'il a facilité pour les étudiants رحمه الله عليه des كتب سهله واصول التفسير on l'a étudié avec certains frères walillahi alhamdi on avait propagé les durus قال الامام الشافعي ثم يكون بعد ذلك بصيرا بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم وبالناسخ والمنسوخ الى اخره la même chose كذلك celui qui veut avancer bidin il a dit il doit donner de l'importance à la deuxième source as-sunna ففي كلام الشافعي رحمه الله عليه الامام الجليل il a cité les deux sources al-quran was-sunna Et التوحيد والعقيدة والفقه c'est fondé sur ces deux sources القرآن والسنة Pour comprendre ces deux sources il a cité des outils فهكذا الحديث العلماء ils ont écrit des كتب شروحات pour expliquer le sens du hadith et كذلك ils ont écrit des كتب dans une matière qu'ils ont appelé أصول الحديث أو مصطلح الحديث لأن هذا الحديث pour que ça soit une preuve اولا tu dois savoir est-ce que le hadith il est صحيح ام لا اما si c'est un hadith ضعيف خاصة avec un ضعف شديد tu peux pas l'appuyer avec d'autres preuves كالموضوع والمنكر الى اخره فاصلا c'est pas من كلام النبي صلى الله عليه وسلم enfin tu peux pas le prendre comme référence tu peux pas t'appuyer dessus c'est pas la parole du prophète عليه الصلاة والسلام comment savoir est-ce que c'est un hadith صحيح ام لا فهناك كتب في هذا شيخ ابن عثيمين لان كتاب مفيد مصطلح الحديث المشهور الان عند اكثر الاخوه سي البيقونيه سي اون بويزي نافعه que les ulama ils ont expliqué simplifié et c'est une base في هذا الباب هذا سان outil كذلك فتو ا ان outil pour comprendre le Coran tu as un outil pour comprendre la sunna ou pour savoir si c'est صحيح ام لا ثم قال ويكون بصيرا باللغة العربية. Ça c'est من علوم الآلة كذلك c'est un outil مفيد بل c'est un des plus importants لأن ça va t'aider à comprendre le Coran والسنة وكلام أهل العلم et de pouvoir lire les livres إلى آخره c'est la langue arabe. La langue arabe c'est un outil عظيم. Celui qui ne maîtrise pas la langue arabe même s'il est sincère même s'il fait beaucoup d'efforts il sera toujours limité dans la compréhension de son dîn. Et fadlullah wasi'. Celui qui fait des efforts et il a du mal, il continue à étudier et Allah subhanahu wa ta'ala, il est capable, wa huwa ala kulli shay'in qadir, de mettre la baraka dans cette personne, fi ilmihi wa amali. Ala kulli hal, on doit faire des efforts. Enfin, les ulama, ils ont écrit des livres pour simplifier la langue arabe. Les livres de grammaire, al-nahu. Et Al-Muqaddima, Al-Mashhura, c'est Al-Ajrumiya, un des premiers livres et un des plus simples. Kadhalik Kutub fi Sarf, et pour savoir l'origine du mot, كذلك دي كتب dans d'autres matières dans la langue arabe. Et nous, à notre niveau, on a besoin de faire des efforts même dans la compréhension des mots. لماذا لأن كثير من الإخوة أصلاً c'est pas des arabophones et c'est pas leur langue maternelle. On doit faire des efforts pour comprendre la langue arabe. Ne pas faire l'erreur de certains, comme on a déjà cité dans notre dars. Vicharh al-Ajroumiya, ne pas faire l'erreur que font certains par ignorance. Un homme, ils étudient que la grammaire. La grammaire, c'est une partie de la langue arabe. Maintenant, nous, à notre niveau, on a besoin, avant la grammaire, de connaître des mots, du vocabulaire. Kutub al-Ta'bir, elles sont muhimma fi hadha al-bab. Le livre qu'on étudie, Walillahi al-Hamd, ensemble, à partir d'aujourd'hui, après Al-Usul min ilm al-Usul, Kutub al-Riyad, qui sont enseignés à l'université de Riyad, fi al-Mamlaka, muhimma jitten. Des livres très simples, avec des textes, avec des mots, avec des formulations de phrases. Al-A'jami, c'est ça qu'il a besoin. Akthar min al-Nahu au départ. Amma ilm al-Nahu, c'est quoi? C'est un ilm qui va t'aider à connaître, à savoir hal akhir al-kalima. Est-ce que c'est une dhamma? Est-ce que c'est une fatha? Est-ce que c'est une kasra? Et taqaddam ma'ana anna hadha al-ilm il est mufid pour celui qui a un minimum en langue arabe. Amma wahid, il n'a pas de vocabulaire, il ne sait pas parler. Et il étudie al-Nahu, fait comment il va appliquer cette grammaire? Il va l'appliquer sur quoi? Nous, à notre niveau, la langue arabe, huna, que l'imam Shafi'i l'a cité, ça englobe awwalan, connaître des mots. Thumma, ces mots, pouvoir les utiliser dans des textes. C'est ça, kutub al-ta'bir. Al-ta'bir, c'est la formulation, l'expression orale, pouvoir s'exprimer. Kadali, comprendre. Amma faire du nahu, savoir mettre une dhamma, une kasra, et on ne comprend pas le kalam, fa'aynu al-fa'ida. Il n'y a aucune fa'ida. Fa'ilm al-lura, c'est des mots. Et ces mots, ça constitue des phrases. Et ces phrases, on doit les comprendre. Et une fois, on a fait des efforts et on commence à comprendre la langue arabe. Là, chacun a la grammaire, elle a un rôle. Hatta hadha al-kalam qu'on va écrire, qu'on va prononcer, inshallah, on ne fait pas d'erreur. On ne met pas une dhamma à la place d'une kasra, on ne met pas une kasra à la place d'une fatha. Wa hakadha, ce qui est important pour al-a'ajim, pour les non-arabophones, c'est ilmu sarf. Il est muhim jitten. Tu vas savoir. Aslul kalima. Kataba, yaktubu, katiban, maktuban, ou hakada. Tu vas avoir ism al-fa'il, tu vas avoir ism maf'oul, tu vas avoir un fi'l madi, un mudari', tu vas avoir al-amr, ktub. Tout ça, ça va t'aider à connaître l'origine des mots et ça va te faciliter jiddan dans ton étude de la langue arabe. Fa'ilm al-lugha, kadhalik, ça demande une méthodologie. Amma faire que du nahou, on a connu des frères qui faisaient que du nahou. Ils avaient des énormes lacunes dans la prononciation. La prononciation, ça fait partie de la langue arabe. Un ha, c'est un ha, un kha, c'est un kha. Un ta, c'est un ta, un ta, c'est un ta. Il y a une différence dans un nutq et dans un sama. Enfin, on doit faire des efforts dans la prononciation. Kha, c'est un au départ. Si tu ne fais pas d'efforts au départ, ça restera. Et kadhalik, annahum, ils faisaient beaucoup d'efforts dans la langue, ils avaient des problèmes de prononciation, ils avaient des problèmes de compréhension et d'expression. Ils connaissaient qawa'id al-nahu. Mathalan, ilm al-i'rab, ça c'est un fa'il, ça c'est un maf'oul, ça c'est un naïb fa'il, ça c'est un maf'oul mutlaq, ça c'est un dorf. Il a akhri, ils connaissaient ces choses. Lakin, une simple chose. Mathalan, dehors, il a besoin d'acheter une chose, il ne sait pas formuler la phrase en arabe. Voilà, c'est un axe. Il vient d'où le problème? Malgré que ha'oula l'achèque. Annahum, ils ont fait des efforts et inshallah, ils sont sincères. Lakin, l'ignorance dans la façon, la méthodologie d'apprendre. فعلم العربية c'est مهم جدا. قال رحمه الله, on revient à la parole de l'imam Shafi'i, ويستعمل هذا مع الإنصاف وقلة الكلام. C'est une nasiha mufida pour celui qui veut avancer في العلم. Tu veux avancer في العلم. L'imam Shafi'i رحمه الله il a résumé الطريق. Tu donnes de l'importance au Coran et au Sunna. C'est la base. التوحيد والعقيدة والفقه. C'est ça le Coran et le Sunna. Le Coran كله توحيد. Ou des masailles fiqhiyah, ou qasas al-anbiya, pour te montrer هذا التوحيد العظيم, les épreuves qu'ils ont subies. Il a akhri, si tu veux comprendre هذا, il te faut des outils. Il a cité certains, la langue arabe, usul al-tafsir, mustalah al-hadith, il a akhri. Thumma qad, wa yasta'mil هذا مع الانصاف وقلة الكلام. Si tu veux avancer fil ilm, n'oublie pas ces deux points. Bien sûr, avec la sincérité. Al-insaf, sois juste. Al-insaf fil ilm. Et tu dois être juste avec hadh al-ilm, ne pas exagérer. Tout ce qu'on a cité, le fait de suivre al-manhajiyya as-sahiha, une bonne méthodologie, c'est min al-insaf. كذلك الانصاف مع معلمك مع شيخك. Tu dois être juste. Si il t'a conseillé, accepte. Même si ton mudarris احيانا il a un peu de dureté معك, prends-le comme نصيحه الوالد الاب. Comme ton père احيانا il t'éduque, il te corrige, il hausse le ton, c'est pour ton bien. فهكذا المدرس. أما بعض الطلبة ربما يأخذون في أنفسهم sur leur cheikh ou leur professeur, et peut-être que c'est la cause أنهم ils étudient plus l'ilm. Et الشيطان يوسوس لهم, comment je vais étudier جهاد, il a un mauvais comportement, il s'est énervé contre moi, il m'a dit telle parole, alors que c'est بحق. النبي صلى الله عليه وسلم il a déjà haussé le ton sur certains compagnons رضي الله عنهم. تكلتك أمك يا معاذ. لماذا؟ لأن معاذ c'était من أعلم الصحابة رضي الله عنه. Il faisait partie des الصحابة qui avaient le plus de علم. Et النبي صلى الله عليه وسلم il a déjà haussé le ton. لماذا؟ لأن معاذ il était prêt. Et c'est une فائدة عظيمة pour معاذ رضي الله تعالى عنه. فالإنصاف كذلك مع نفسك. أن الإنسان il se connaît. Si tu peux apprendre une page de Coran par jour, apprends une page, n'essaye pas d'apprendre deux. Si tu vas apprendre deux, tu apprendras ni les deux, ni une. Regarde, si ton rythme, c'est un dars par jour, ne dépasse pas les limites. Tu te feras du mal. Labud min insaf. Et كذلك, et c'est min ahem al-insaf, an al-insan yakbal al-haq. Si l'haq il est avec Cheikh Foulan, fa min al-insaf, on prend l'haq. C'est ça l'ilm. أما manque de insaf, الإنسان يطلب العلم ثم إن مسألة واحد يخالف son شيخ فعياذا بالله manque de insaf et il tombe directement dans le taqlid, le suivi aveugle, et il délaisse le haq. هذا العلم qui l'aime et qui fait des efforts pour l'apprendre, أين هو ثمرة العلم, le fruit de هذا العلم c'est العمل. Et العمل c'est الإنصاف. العمل بالإنصاف c'est quoi? C'est de appliquer هذا العلم en acceptant la vérité et en rejetant ce qui est faux, ce qui contredit هذا العلم. Même si ça vient d'un ami, même si ça vient de notre shir, même si ça vient de un tel. Là, الإنصاف في الحقيقة c'est quoi? C'est mettre le Coran et le Sunna avant tout. C'est ça l'إنصاف. C'est ça être juste في العلم. قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى ويستعمل مع هذا الإنصاف وقلة الكلام. Celui qui veut avancer vers l'ilm, علوم الغاية وعلوم الآلة, il doit prendre en considération هذا الكلام. Et ne pas parler beaucoup. لماذا؟ لأن celui qui parle beaucoup, أولا, il va perdre son temps. ثانيا, الكلام ça implique des choses. Rubama il a parlé sur quelqu'un, donc ça va lui prendre du temps. Oulan il va lui reprocher, il doit s'excuser, il a arrêté, on doit vérifier qu'est-ce qu'il a dit. Shurla. كذلك طلب العلم c'est fondé sur quoi? L'étude de la science est fondée sur quoi? C'est fondé sur al-hifd ou al-fahm. C'est ça l'ilm. Imma apprentissage par cœur, la mémorisation, imma la compréhension. La mémorisation, c'est Al-Qur'an, wa shay min as-sunnah et des mutun. Et la compréhension, c'est l'étude. L'étude. Imma ulum al-ghaya, imma ulum al-ahla. C'est ça, al-fahm. Les deux, tu en as besoin pour comprendre. Celui qui parle beaucoup, il n'aura plus le temps de mémoriser. La mémorisation, tu ne dois pas parler. Tu dois apprendre par cœur. Tu dois répéter, répéter. Mais si tu viens parler beaucoup avec un ami, oh, Satan, à notre époque, الحقيقة, on a une œuf. من العوائق العظام à notre époque, c'est les téléphones. Ton téléphone, في الحقيقة, c'est comme un zamil, c'est comme un compagnon. Enfin, si tu veux apprendre par cœur et tu as ton téléphone à côté et ton téléphone il passe avant le hibl, tu ne pourras pas. Tu vas commencer à apprendre une ligne, Foulan un message, Foulan un appel, Foulan un message vocal, une notification. Tu n'arriveras pas. Enfin, à notre époque, elle kalam et on fait attention كذلك, à cette musiba qui s'est répandue. Wa fiha khayr pour celui qui sait l'utiliser. Lakin wallahi, c'est un des obstacles pour avancer fil ilm. Wa hakadha al mukhalata. Al-ilm, ça demande al-uzla. C'est quoi qui provoque le kalam? On a cité un exemple avec les téléphones. Ça peut être une shurla, même si ce n'est pas une parole directement. Lakin, c'est quoi qui provoque le kalam? C'est le mukhalata, c'est le fait de fréquenter. Celui qui veut avancer fil ilm et qui veut avoir beaucoup d'amis et se mélanger et sortir, il faut qu'il fasse un choix. Ça ne se mélange pas. L'imam, on répète, l'ilm c'est fondé sur la mémorisation. La mémorisation, tu dois être seul. Personne ne peut apprendre à ta place. Et les durus, tu dois aller au dars. Alhamdulillah, si tu as des compagnons, et ça c'est muhim jiddan, ce qui va t'aider à appliquer ça, c'est des amis. Et ikhwan salihoun qui vont t'aider à avancer fil ilm. L'heure du dars, yunabbihounak. L'heure du hifd, fayahfad ma'ak. Et rabbama, il va faire le muraja avec toi, il va réviser avec toi, il va t'encourager à mémoriser. Et alhamdulillah, la chakana l'insan, il a besoin de parler. Lakin, chaque chose a sa place. C'est pour ça que min al-muhim, pour appliquer tout cela, fil haqiqa, al-insaf, wa qillat al-kalam, et tout ce qu'on a vu ensemble, min hifd al-Qur'an, wa sunnah, et les durus pour comprendre la akhir, c'est d'avoir un programme. Si tu n'as pas de programme, akhil kerim, on ne dit pas que tu avanceras pas, lakin tu avanceras pas comme il faut. Et rubbama, tu n'avances pas. C'est quoi un programme? C'est que talibul ilm, chaque jour, chaque heure, il doit savoir qu'est-ce qu'il fait. Maintenant, nous, هذا الكتاب, si on ne lui donne pas une heure, on dit maintenant, on va commencer l'étude de l'usul, mi'ilm, usul, et on verra de temps en temps. Des fois, on va faire tous les jours. On va commencer lundi, mardi, mercredi. Comment on va s'arrêter 2 semaines? Comment on va reprendre un jour? Comment on va s'arrêter 3 semaines? Amma, tu fais un dors par semaine. Comme on a fait avec Sharh al-Ajroumiya. 1 heure par semaine. De 11h à midi. Et vous verrez, que quelques semaines, 2 mois, 3 mois, tu auras étudier et aider les gens à comprendre une base fi talab al-ilm. Ilm al-usul, un mukhtasar nafi'. Hakad al-hifd. Si tu veux apprendre par cœur, mets-toi 1 heure, akhi al-karim. Amma celui qui fait passer, ou qui met plutôt l'ilm après, il va faire son petit tour dehors. Thomas, il appelle un ami. Thomas, il va rendre visite à la famille. Thomas, le temps qui lui reste, un peu de lecture, il n'avancera pas fait l'ilm. Et c'est pas, il n'est pas considéré comme talab al-ilm. طالب علم لا سي se réveille le matin il a مثلا une مراجعه مراجعه القران ثم اي 1 heure 2 heures 3 heures حفظ القران ثم il a quelque chose à faire il le fait ثم l'après-midi مثلا il va se reposer entre الظهر العصر ثم après العصر il a un درس ثم le soir il va la chaque il va passer du temps avec sa famille la akhir ثم avant de dormir il a une مراجعه ou il révise ce qu'il a appris du Coran ou هكذا tu verras que tous les jours ولو peu. Voilà, 1 heure le matin, 1 heure l'après-midi, 1 heure le soir, ou celui qui ne peut pas, 1 heure le matin, 1 heure le soir, voilà, peu. Tu verras que tu avanceras fil ilm. Amma al-musiba nahnu, qui nous a touchés, c'est que on veut, et on aime l'ilm, on veut faire des efforts, mais on n'a pas de programme. Pourquoi étudier inda ahl al-ilm, c'est muhim? C'est min hadha al-bab. Et bien sûr, profiter de la science du alim, mais l'alim kadhalik, il va t'aider. Même si tu ne le dis pas, lakin son rythme, c'est durus ou al-muraja'a, ça va t'aider. Va aller à étudier l'ilm ensemble, c'est nafi'. Maintenant, nous, nous, wallahi alhamd, on s'entraide. Le samedi, on a al-usul mi'ilm usul, thumma ba'da dhalik wallahi alhamd. On fait réciter les frères, les motons qu'ils apprennent, certains kitab tawhid, certains al-bayquniya, certains lamiya, certains wasitiya wallahi alhamd. Et on a vu que les frères, avec cette méthodologie, combien de frères ils ont appris kitab tawhid? Alors que peut-être des années avant, ils n'y arrivaient pas. Il y a un programme, le samedi, tu dois réciter, on t'attend. Et un tas, tu te prépares, et alhamdulillah, tu as fini les kutub. Enfin, ça, c'est min aham ma yakoun. N'étudiez pas l'ilm hakada. Hakada, le lundi, je fais une chose, mardi, mercredi, je lis un peu, jeudi, je fais rien, vendredi, si j'ai le temps, j'écoute un peu de sodars. C'est pas ça l'ilm. Wallahi, quitte à écrire un programme sur papier, tu l'accroches, tu le vois au départ. Lundi telle chose, mardi telle chose, mercredi telle chose, le matin, le midi. T'écris même quand est-ce que tu manges, quand est-ce que tu dors, quand est-ce que tu sors. Fais cela pendant 1 ou 2 ans et tu verras. Les salafs, ils n'avaient pas besoin de ça, c'était automatique. Ils ont été éduqués à Hakada, le Masajid, les Mashaïkh, ils étaient entourés. Nahnou là, on a été touchés, on a une éducation, Kazir Minna, avec les écoles, les emplois du temps. Fabard al-Ikhwan, s'ils ne sont pas entourés Hakada, ils yadhi'oun fil ilm. Falihada, ça, ce point, il est très très important. Et Kazalik, ne pas étudier seul. N'étudie pas هذا العلم وحدك. Tu avanceras pas. Que ce soit le hifz ou les durus ou le muraja. Les neuf shaitan et les haris. On revient à cause de cette éducation. Vous avez remarqué que nous, si quelqu'un ne nous dit pas de réviser, d'apprendre par cœur, probablement on ne prendra pas l'initiative tout seul. C'est une éducation. Contrairement à salaf. Le salaf, tu les trouves arrivés à 14-15 ans, il est hafid Qur'an, hafid al-Sahih al-Bukhari, Sahih Muslim, Boulour al-Maram, il a akhiré. Ou ceux qui sont venus après salaf. Bien, on a cité Boulour al-Maram, il n'était pas à l'époque des salaf. Et ils avaient cette éducation. Nous, si on ne te dit pas de ne pas faire, farumbama, tu ne feras pas. Et Inch'Allah, ça change avec le temps. Lakin, étudie à deux ce tayyib. Lakin, ce compagnon que tu vas choisir, il faut qu'il soit... Il faut qu'il soit motivé, il faut qu'il ait un bon comportement. Wa illa fa tawakkal Allah, étudie tout seul ahsan. Amma wahid qui n'est pas sérieux, ça sera un obstacle pour toi. Wallah al-musta'an. Qala rahimahullah fa idha kana hadha hakadha, il a conclu rahimahullah et j'ai résumé son kalam, wa illa al-kalam il est tawil. فإذا كان هذا هكذا فله أن يتكلم ويفتي في الحلال والحرام وإذا لم يكن هكذا فليس له أن يفتي. Si il est comme l'imam Shafi'i l'a décrit, علم وعمل, et un programme, il est organisé, il يطلب العلم عند أهله إلى آخره, فهذا الحمد لله, il viendra un temps, نعم, il sera apte. فتأمل حال علمائنا. Ils ont étudié, ils étaient comme nous au départ, des étudiants, des débutants. Ils ont atteint un certain niveau, alhamdoulilah, l'an, c'est eux qui font le fatwa. Nous, notre niveau, on ne pense même pas le fatwa. Alhamdoulilah, les ulama, ils sont présents et c'est eux qui font le fatwa. Nous, à notre niveau, c'est de faire des efforts pour arriver à comprendre et à appliquer. Enfin, dès qu'on aura compris et appliqué, Inch'Allah, à appeler les autres, à montrer aux autres, à nos proches, il a akhiré, et fadlullah, subhanahu wa ta'ala, il est wasi'. Fahadihi, hiya, ahammiyatu hadhi l'ulum. Ulum ul-ala, et les outils, et ulum ul-ghaya, la base, le Qur'an, ou le sunna, le tawhid, ou l'aqida, ou l'fiqh. Amma, ma yata'allak bi usul al-fiqh, limada, li anna, c'est notre dars. Faqala, al-imam ibn Taymiyya, rahimahullah ta'ala, fi majmou' al-fatawa, صاحب أصول الفقه ينظر في الدليل الشرعي ومرتبته فيميز ما هو دليل شرعي وما ليس بدليل شرعي. هذا العلم, on a parlé de علوم الآلة en général, les outils, que ce soit la langue arabe, que ce soit les fondements de fiqh, que ce soit le qawaid, que ce soit أصول التفسير إلى آخره. والآن نسيت بعض كلام أهل العلم في أصول الفقه, لأن c'est cette matière qu'on va commencer à étudier ensemble بإذن الله عز وجل. قال شيخ الإسلام رحمه الله صاحب أصول الفقه ينظر في الدليل الشرعي ومرتبته. هذا العلم كما سيأتي معنا في الدرس القادم إن شاء الله شيخ ابن عثيمين لا أكسبليكي سيكوا أصول الفقه. باختصار أن أصول الفقه tu vas pas étudier le fiqh, tu vas pas étudier comment faire salat, comment faire siyam, comment faire الحج, là tu vas étudier الدليل, pas pour savoir حكم المسألة, là au départ, là tu vas étudier c'est quoi un دليل. C'est quoi un dalil am? Am, c'est global, général. Tu trouveras qu'il y a des preuves qui sont spécifiques. Tu comprendras que le spécifique il passe avant le général. كذلك المطلق والمقيد الناسخ والمنسوخ. Le nasikh c'est ce qui abroge, le mansukh c'est ce qui est abrogé. Tu vas apprendre tout cela pour pouvoir comprendre le fiqh. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية صاحب أصول الفقه ينظر في الدليل الشرعي. Donc tu vas apprendre c'est quoi un dalil. ومرتبته. لماذا لأن il y a des preuves elles passent avant d'autres. Il y a des preuves elles passent avant d'autres. مثلا الناسخ passe avant le mansukh. Les deux c'est des versets du Coran. Les deux c'est des preuves. لكن ce qui a abrogé ça passe avant ce qui est abrogé. هذا c'est واضح. قال فيميز ما هو دليل شرعي وما ليس بدليل شرعي. Et ça c'est من أعظم الفوائد. أن هذا العلم علم الأصول. Ça va t'aider à connaître c'est quoi un délit et c'est quoi qui n'est pas un délit. Pourquoi الآن il y a une فوضى كبيرة في الساحة à cause de certaines مسائل de fiqh. بعض الناس يتهاجرون ويتنحرون. Quand tu recherches, c'est quoi la cause? Pourquoi ils ne sont pas d'accord? Pourquoi هذا ils parlent plus à هذا? Pourquoi ils sont divisés? C'est pas باب المعتقد. C'est pas باب quelque chose من أصول ديننا, des fondements. Là, c'est une مسألة de fiqh. Fulani met les mains à tel endroit, Fulani met les mains à tel endroit. Fulani prononce à voix haute, Fulani prononce à voix basse. Ils auraient étudié هذا العلم. Ils auraient su, c'est quoi un délil? C'est quoi un délil? Un délil, maintenant, c'est pas Cheikh Fulan, il a dit, c'est pas un délil, hada. Un délil, c'est pas la plupart des machaïrs, ils ont dit, c'est pas un délil, hada. Tu trouveras jamais hada, bil-ittifaq. L'unanimité des savants, un délil, c'est le Coran, ou le Sunna, ou l'Ijma'a. Et le Qiyas, le Sahih. Avec le Qiyas, un khilaf, lakin, qawla al-muhaqqiqin min ahli al-ilm. Celui qui a compris hada, maintenant, on diverge dans une mas'ala, pas besoin de s'énerver si j'accepte pas le call de Cheikh un tel limada, les anna on a étudié ensemble, et le Cheikh lui-même, que tu tentais à suivre, lui-même il montre, annahu, ce n'est pas un délit. Il a donné un avis. Enfin, certaines mas'ala, mathalan, le fait de prononcer al-fatiha derrière l'imam, quand l'imam il récite à voix haute, est-ce qu'on récite al-fatiha, nahnu amla? C'est une mas'ala khilafiya bayna ahli al-ilm. Tu reviens au délil, tu verras que il y a plusieurs adillah fi hadha al-bab. Si tu connais hadha, tu feras sortir beaucoup de choses. Ba'dhuhum mathalan, ils ont entendu un Cheikh al-Albani, il a un qawl, si tu le khalif, on dirait que tu as khalif al-Rasoul alayhi salatu wassalam. Ou l'axe, ba'dhuhum, ils ont pris l'avis de Cheikh al-Uthaymeen via hadha al-mas'ala, si tu le khalif et tu prends le qawl de Cheikh al-Albani, c'est comme si tu as khalif al-Rasoul alayhi salatu wassalam. Ça divise. Vu qu'il connaît pas c'est quoi un délil. Il sait pas c'est quoi un délil. Si tu khalif le qawl d'un Cheikh, pour lui, c'est comme si t'as khalif al-dalil. Ça va impliquer quoi? Il va se dire, mais hada, il veut pas le haq. Et à cause de son ignorance, Rabbama, il va changer d'attitude avec toi. Si, il te fait pas le hajj. C'est l'ignorance, bi hada al-ilm. Amma, wahid qui connaît hada al-ilm, et, walillahi al-hamd, tu le trouveras, il aura de la douceur, et il va expliquer, ce kalam du shir, c'est un kalam. Et il y a plein d'autres kalam. Pourquoi tu prends kalam sur l'Albani? Pourquoi tu prends pas kalam sur l'Athaymi? On va dire à un autre, pourquoi tu prends Kalam Cheikh Ibn Uthaymeen? Pourquoi tu prends pas A'lam minhuma, Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah? Ouahad, il va dire, mais pourquoi on prend pas Kalam Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah? Pourquoi on prend Kalam Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah? Pourquoi on prend pas Kalam l'Imam Ahmed? Il est A'lam minha, bel ittifaq, ou hakada. Tu viendras jusqu'à celui qu'on doit suivre, ala kulli hal, c'est le Rasoul, alayhi sallallahu alayhi sallam. Il est ma'soum. Il est infaillible. Amma, tous les autres savants, ils sont pas infaillibles, face ça revient au délit. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فيميز ما هو دليل شرعي وما ليس بدليل شرعي. On arrive الآن à une époque, بعض الناس ne savent pas c'est quoi un délil. C'est pour ça qu'ils ont une mu'amala avec certaines choses comme si c'était un délil, alors que ce n'est pas une preuve. مثلا une مسألة, شيخ الألباني رحمه الله, il a un كلام avec un délil et c'est le حق. Et tu trouves جمهور العلماء, la plupart des savants, ils disent autre chose. Un délil, c'est le délil que Cheikh Al-Albani l'a cité. Pas parce que c'est Cheikh Al-Albani, même s'il est seul. C'est ça l'ilm. Lakin, on vit une époque, l'un, tout ça, iyadam billah, ba'dan nas, ils connaissent pas, et yata'assabun, et ils écoutent pas, et ça divise beaucoup de monde. Qala, rahimahullah, wa yundur fi maratib al-adilla, hatta yuqaddim al-raji' ala al-marju' inda al-ta'arud. Deuxième chose, tu vas apprendre c'est quoi un délil? Al-Qur'an, wa-sunnah, wa-l-ijma'. Tu vas étudier كذلك, est-ce que la parole d'un sahabi c'est un délil amla. Et bien sûr, tu vas étudier est-ce que la parole d'un savant c'est un délil, c'est pas un délil, on est d'accord. Quand tu vas comprendre هذا, أحيانا tu as une مسألة, tu as plusieurs preuves. Tu as un délil du Coran, tu as un délil de la Sunna, et tu as un autre délil de la Sunna. Ce ilm, il va t'apprendre à faire passer quel délil avant l'autre. مثلا, tu as un délil global, عام. من القرآن الكريم ثم tu as un délil khas, une preuve spécifique de sunnat al-Nabi alayhi sallallahu alayhi sallam, et le hadith il est authentique, tu sauras que le hadith il explique le Coran et il n'y a aucune contradiction. Ahyanan, tu verras qu'il y a une contradiction claire entre deux hadiths. Tu apprendras que dans notre dîn, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne peut pas se contredire, il est infaillible. Un des deux hadiths, il est faible. Ah, ou tu n'as pas compris, il n'y a pas de contradiction. Donc ce unu va te permettre à connaître c'est quoi un délil et comment utiliser un délil. Cheikh Ibn Uthaymeen, rahmatullah alayhi, fil usul min usul, il a un bab nafi' fi at-tarjih 'inda at-ta'aruf. Et ça, c'est min aham al-abwab. Limadha? Lianna on vit à une époque, à cause de l'ignorance, بعض الناس ils savent pas comment se comporter 'inda al-khilaf. Tu mets les mains après un recours sur le torse, sur la poitrine ou le long du corps. Wallahi, ça a divisé بعض الناس à cause de l'ignorance. Alors que l'étude de هذا العلم avec insaf comme taqaddam et كذلك avec les preuves, tu verras que c'est une mas'ala ijtihadiyya. Ton frère il a choisi un qawl, tu as choisi un qawl. L'essentiel, prends le qawl pour toi, tu as la preuve. Et si ton frère il est pas d'accord avec toi sur cette mas'ala, on n'a pas besoin de lever la voix, on n'a pas besoin de se tourner le dos, iyadun billah. Enfin, l'exagération, c'est pas tayyib. فهذا الكلام ده شيخ الإسلام لتيمية رحمه الله في الحقيقة إلى ريكابيتولي سي كوا علم الأصول دونك دراسة الدليل الشرعي سي سا علم الأصول دونك on répète c'est le دليل en général. Tu vas pas étudier comment faire salat là, le دليل en général quand est-ce que c'est obligatoire. Il y a des أدلة qui montrent que cette chose est obligatoire, il y a des autres preuves qui montrent que c'est recommandé. Tu sauras أنت ce دليل le prophète صلى الله عليه وسلم s'il l'a dit de telle façon, c'est que c'est obligatoire. Une autre mas'ala, un autre sujet, le prophète sallam, il a dit de telle manière, en fait, c'est recommandé. Et ça, c'est muhim jiddan, bien sûr, en s'aidant des paroles des savants. Wa qala aydan rahimahullah fil fatawa, la bud an yakun ma'al insan usul kulliyya turadd ilayha al juz'iyyat. Et ça englobe le usul wa ghayr al usul, ulum al ahl. Et c'est ça, en fait, qu'on a un manque, nahnu. Vous avez remarqué que ba'd an-nas, ils ont de la inayab al-ilm. Ils lisent beaucoup, ils écoutent beaucoup. À notre époque, walillah alham, c'est très facile hein, de lire et d'écouter. Avec nos téléphones, tu peux lire n'importe où et écouter. Khassatan comme les chaînes Telegram ou les réseaux sociaux, tu reçois beaucoup de kalam de ulama. Cheikh l'Islam, il a dit, l'imam Ahmed, il a dit, Cheikh Mokbil, il a dit, Cheikh l'Albani, il a dit, kathiran. Et c'est du ilm. Lakin, vous avez remarqué que même si tu lis nuit et jour via hadha al-kalam, ça ne fera pas de toi un alim. Pourquoi ? Il y a une différence entre le juz'iyat et l'usul. Le juz'iyat, c'est quoi ? C'est maintenant Cheikh Al-Albani, rahimahullah, il a dit qu'il fallait lever les mains. Cheikh Mokbil, rahimahullah, il a dit que telle chose, c'est une sunnah. Ça, c'est tayyib, c'est du ilm. Lakin, Cheikh l'Islam, on répète sa parole, « Labud an yakun ma'al insan usul kulliya » Tu as des usul kulliya qui vont t'aider à comprendre tous ces kalams avec une règle. Si tu veux étudier l'ilm de cette façon, un jour tu lis un peu de kalam Cheikh Al-Albani sur Salah, un jour tu lis un peu de kalam Cheikh Mokbil, Fossiyam, à la fin un frère il va emmener une parole qui contredit ce que tu as lu, tu ne sais plus comment faire. Celui qui s'énerve, c'est qu'il n'a pas d'ilm en général. Pourquoi il s'énerve? Pourquoi il tourne le dos? Les mains d'aller, il ne patiente pas, il n'a pas d'ilm. Il ne sait pas comment répondre. Celui qui étudie l'ilm, al-usul awwalan, il va apprendre une règle. Et min al-ulum an-nafi'a, c'est le qawaid al-fiqhiyya. Qawaid al-fiqhiyya, ça ressemble à l'usul. Lakin, c'est différent. Et inshallah, dans le dars prochain, on expliquera la différence. Al-qawaid al-fiqhiyya, c'est un ilm, al-ulama, beaucoup de juz'iyyat. Al-juz'iyyat, c'est une mas'ala quelconque. Mathalan, celui qui fait salat, il doit être sincère. Tu vas tourner les pages d'un livre, tu vas trouver celui qui fait siyam, il doit être sincère. Une deuxième. Thomas, tu vas rechercher celui qui fait le hajj, il doit être sincère. Celui qui fait le jihad doit être sincère. Celui qui étudie l'ilm, il doit être sincère. Celui qui... n'importe quelle mas'ala qui doit être sincère. Les ulama, ils ont cité une règle. Innama al-a'malu bil-niyyat. Si tu connais cette règle, tu sauras un tas que chaque ibadah, il faut être sincère. Même si tu n'as pas la parole d'un savant. Et à chaque que tu auras la parole de savant. Là, c'est une qaïda. Elle t'englobe tout. N'importe quelle ibadah, tu es sûr, tu conseilles, tu dis, ya akhi, il faut que tu sois sincère. C'est un exemple wadih que tout le monde connaît. Tu verras d'autres règles. Fil usul, nafi'atun jiddan. Fil qawaid, plutôt nafi'atun jiddan. Al qawaid, c'est un ilm, il va te rassembler le fiqh sous forme de qawaid. Celui qui veut étudier en prenant des fatwas à droite à gauche, il n'arrivera jamais. فَلِهَذَا الْعُلَمَا فِي الْفِقْهِ Ils ont écrit des mutul, muhtasara. Si tu as compris le matn, tu verras qu'en général, la plupart des masa'il, elles sont citées. Tu auras une nouvelle mas'ala qui était par leur époque et tu lis kalam ahl al-ilm et tastafid. Cette tariqa, elle est muhimma, connaître al-usul, les fondements. Thumma, sur ce fondement, tu vas baser al-juz'iyyat. Juz'iyyat, tu peux traduire par les branches. Qala Cheikh al-Islam, rahimahullah, لابد أن يكون مع الإنسان أصول كلية ترد إليه الجزء إليها الجزئيات ليتكلم بعلم وعدل. Pourquoi الآن on vit à une époque beaucoup de جهل et beaucoup de ظلم. تخالف واحد ربما il te dit une parole, t'es pas d'accord avec lui, ربما il te dit une parole qui fonde sur l'ignorance et ربما il est injuste envers toi, il va t'accuser de kada de kada. Pourquoi لأن cette approche, le fait de connaître les fondements et de baser ou de les juz'iyat, tu les ramènes à ses fondements, ça a provoqué quoi? Ignorance et injustice. فَلِهَذَا قَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ لِيَتَكَلَّمْ بِعِلْمُ وَعَدْلَ قَالَ ثُمَّ يَعْرِفُ الْجُزْئِيَاتِ كَيْفَ وَقَعَتْ. Et ça, c'est un autre point important. قَالَ وَإِلَّا فَيَبْنِي فِي كَلَامِهِ أو فِي كَذِبْ أو plutôt قَالَ وَإِلَّا فَيَبْنِي أو فيبقى. قال وإلا فيبقى في كذب وجهل في الجزئيات وجهل وظلم في الكليات. Celui qui ne suit pas la méthodologie des savants, comment apprendre l'ilm, il sera ignorant concernant الجزئيات. مثلاً est-ce que tu dois lever les mains, est-ce que tu dois prononcer à voix haute, est-ce que des masail fassiyam, des masail fil hajj, il sera ignorant, et que ذلك il sera ignorant dans les fondements. Tout ça, ça va le pousser à l'injustice. Envers lui-même et envers ses frères. Envers lui-même, il va adorer Allah subhanahu wa ta'ala avec ignorance. Et envers les autres, ربما, il va contredire واحد qui a l'ilm avec son ignorance. Leur manhaj, c'est quoi? C'est de suivre un tel. Je prends tous les aqwal matalan de Sheikh al-Albani. Si tu le khalif, c'est que tu es à la khata. C'est pas du ilm. C'est pas du ilm. Sheikh al-Albani, il a jamais dit de faire cela. Et que d'alik, où est le respect envers les autres savants? On parle, nous, ulama al-sunna, ma ulama al-bid'a, falhamdulillah, ajurhum, tema ajur. Naam, laisse-les, tu es récompensé, bihamdillahi azza wa jal. Qala, rahimahullah, fayetawallad fasadun azim. Yetawallad, ça vient du mot walad. Et hada, ça va engendrer une énorme injustice. C'est ce qu'on vit l'âme. C'est exactement ce qu'on vit l'âme. Ba'dannas, wallah, ils ouvrent jamais de livres. Ils n'ont jamais étudié. Ils n'apprennent pas par cœur. Ils n'ont aucune inaya bil'ilm. Faqat son téléphone, une fatwa, elle vient, foulain, c'est un égaré. Ou telle chose, c'est une sunna. Wahed, un autre, des années fil ilm. Il connaît à quoi le ulama, il fait des efforts. Il montre, anna, hada shay, en fait, ce n'est pas une sunna. Avec des adillah. Tu trouves cet ignorant, en une phrase, injustice pure, Rabbi, il va dire, hada, c'est un égaré. Alors que le frère qui le contredit, là, les paroles des savants, est yamshi ala qawa'id, sur un manhaj wadih. L'autre, faqat, c'est un muqallid. C'est pour ça que c'est déjà arrivé. Wahid, il dit, Fulan, c'est un murtadi, ou tel livre, c'est un livre dégaré. Tu le contredis, il n'accepte pas, et fawda kabira. Quelques jours, quelques semaines après, le shir, qui suit aveuglément, échange. Il dit, là, en fait, le livre, il est tayyib, le shir, il est tayyib. Échange. C'est pas fondé sur l'ilm. Le shir, il va à droite, il va à droite. Le shir, il va à gauche, il va à gauche. C'est avec le Nabi alayhi salatu wassalam. Amma ghayr al-Nabi sallallahu alayhi wassalam, fa kullun yu'khad min qawlihi wa yurad illa Rasulullah alayhi salatu wassalam. Tambihun muhim, pour finir cette muqaddima. Donc les deux paroles de Cheikh al-Islam, majmou' al-fatawa. La parole de l'imam Shafi'i, min i'lam al-muwaqqi'in. Celui qui veut les recopier. Tambihun muhim. الحذر في هذا الباب العظيم on doit faire attention في هذا الباب أي علوم الآلة on parle tout ce qui est أصول langue arabe إلى آخره أي les outils من الإفراط أو التفريط أي il y a deux extrêmes في هذا الباب certains ils ont un تساهل كبير ils donnent aucune importance à هذه العلوم c'est pour ça qu'après il a du mal à comprendre le tawhid ou العقيدة ou le fiqh لماذا لأنه lui manque des outils La langue arabe, ilm al-usul, shay min ilm mustalah, et usul tafsir, wal qawa'id, etc. Fa ha'oula, ils ont un naqs. Et haoula, on les conseille, on se conseille à nous-mêmes de faire des efforts. Tu as un autre extrême, annahum, ils exagèrent. Sini, des années dans un nahou, dans la langue arabe, surtout un nahou, on prend comme exemple un nahou, la grammaire, et des tafasil, khilafat, des kalam, des paroles, des sujets qui n'ont plus grande utilité, tu n'en as pas besoin dans ta vie de tous les jours, et tu n'en as pas besoin pour comprendre le Coran ou le Sunna. Al-Kufiyoun, ils ont dit, Al-Basriyoun, ils ont dit, Sibawai, rahimahullah, il a dit, Al-Kassai, il a dit, des masail, alors que il n'a pas étudié l'aqid, alors que Robama ne sait pas faire le salat, alors qu'il ne connaît rien min tafsir le Coran. Hada, c'est un naqs. C'est un naqs. Fi ulum al-ghaya, et dans la base, dans l'objectif, et perdre son temps dans les outils, ce n'est pas taïb. Fali hada ulama'una. Il conseille da'iman talabat al-ilm, anna ulum al-ala, c'est comme du sel. C'est comme du sel par rapport à la nourriture. La nourriture, c'est ton plat de base. C'est ce qui va t'être utile, bi'idnillahi azza wa jal. Le sel, tu en as besoin dans certains plats. Si tu mets trop, yafsud at-ta'am. La nourriture, elle n'aura plus de goût. Au moment, tu vas la délaisser. S'il n'y en a pas, il manquera quelque chose. Hakada ulumul ala. Falihada shaykh Muqbil rahmatullah alayhi conseille matalan fi ilm al-usul d'étudier des rasa'il de base et ne pas exagérer. Les ماذا لأن علم الأصول الكتب الكبيرة en général c'est des كتب d'أهل البدع المعتزلة إلى آخر الأشاعرة. Les ماذا لأن فيها علم الكلام, ça va rentrer dans علم المنطق, dans علم الكلام, la philosophie, des مسائل, tu en as pas besoin. Les connaître, ça va rien te rajouter. Les ignorer, tu perds rien du tout. Enfin, celui qui rentre في هذا comme كتاب إرشاد الفحول للإمام الشوكان أو كتاب المستصفى للغزالي, des kutub wasi'a fil usul, tu n'en as pas besoin. Khassatan comme nous, certains frères ils ont étudié l'ilm tardivement et certains frères ils ont encore du mal à comprendre la langue arabe, certains frères ont encore des problèmes dans le hifz, dans la mémorisation. Ne perds pas ton temps avec hada. Et hakada ilm al-lugha, si tu as compris l'ajrumiyya walillahi alhamd et tu as des bases fi sarf et tu sais parler, tu comprends ce qu'on te dit, falhamdulillah. Si tu rajoutes l'alfiya ou qatra al-nada, la basse, lakin, ne perds pas ton temps fit tawassu'. Ça, c'est muhim. Kadhalik, on peut citer, pour conclure, at-tadarruj, un programme fil usul. Hatta, on ne tombe pas fit tasahul, ceux qui négligent. Et kadhalik, on ne tombe pas dans la catégorie de ceux qui exagèrent et à force de faire des efforts, ça devient une perte de temps. Limada, liana l'insan, on répète, il a été créé pour l'ibad. L'essentiel, pourquoi hadi l'ulum? Et ça, c'est important. Et talib ul-ilm, tu dois daïman te rappeler. Pourquoi on étudie l'usul, on étudie l'ajrumiyya, on fait des efforts, fi l'aqida? C'est pour adorer Allah, subhanahu wa ta'ala. Enfin, si ce ilm, il t'éloigne de l'ibadatullah, subhanahu wa ta'ala, c'est plus un ilm nafi'. Perdre son temps fi ilm l'usul, ne pas connaître Allah subhanahu wa ta'ala. بعض الأشاعرة, بعض المعتزلة, ils ont de la quwwa fi l-lugha. Tu trouves, tu lis leur livre dans l'arabiyya, la chaque année, ils ont du ilm fi hadha al-bab, fi l-usul ila akhirah, à la fin, ils concluent, Allah, il est partout. C'est quoi ce ilm? Il est d'aucune utilité. فَلِهَذَا al-usul, si tu veux comprendre, et inshallah, ça soit utile, et tu ne perds pas ton temps, étudie hadhi risala, al-usul min ilm al-usul. Cette risala les tayyiba, limada awwalan liyanna, celui qui l'a écrit, c'est un imam fi sunnah, Cheikh Mohamed bin Salih al-Uthaymin rahimahullah, l'imam al-faqih. Amma beaucoup de livres d'usul, c'est des munharifoun, c'est des égarés. Amma tu as une risala mukhtasara d'un imam de la sunnah. Kadhalik anna Cheikh al-Uthaymin rahimahullah, il l'a résumé, il l'a simplifié, il n'a cité que ce que tu as besoin. Amma certaines masail d'aucune utilité, al-usuliyoun ahyanan yakhtalifoun dans une masala, il n'y a aucune utilité. Eux-mêmes, ils le savent. Tu ne l'utiliseras jamais dans ta vie ou pour ton dîn. Lakin, c'est un plaisir pour eux de savoir qui a raison. On n'a pas besoin de hada. Kadhalik anna Cheikh ibn Uthaymeen rahimahullah, c'est la troisième mise à l'hada al-kitab, annahu a'tana bi ta'arif. Ces définitions qu'il a citées, ça sera la base du cours et inshallah, les comprendre, ça sera le contenu de notre cours bi'idnillahi azza wa jalla. Enfin, celui qui a compris hadha al-kitab al-usul, en général, on peut dire taqriban 80-90% des masa'il de fiqh, Al-Usul, ça te sera utile ce kitab. Le reste qui manque, bi'idnillah azawajal, avec le temps, ça viendra. Wa illa, la plupart des masa'il, les usul que tu auras besoin, usul al-fiqh, tu les auras étudiés fil usul min al-usul. Kadhalik, on peut citer une deuxième risala qui est comme l'usul min al-usul, sharh nadm al-waraqat. Toujours de Cheikh Ibn Uthaymeen, rahimahullah. Al-waraqat, c'est l'il-Juwayni. Et al-nadm, c'est l'il-Imrayti, rahimahullah. Et al-sharh, c'est de Cheikh Ibn Uthaymeen. Il l'a expliqué à la madhhab Ahl al-Sunnah wal Jama'a. Fa imma al-usul min al-usul, imma sharh nadm al-waraqat. Un des deux. Ou celui qui étudie l'usul min al-usul, thumma il lit sharh nadm al-waraqat, ou avec des audios et yu'alliq, il prend madalan le sharh d'un shir et il note des fawa'id, falhamdulillah. Et celui qui fait des efforts dans l'ilm, il continue l'ilm et après avoir étudié l'aqida, le tawhid, le fiqh, il a du temps, il étudie al-mudakkira l'imam Shanqiti, rahimahullah. Et هذا الكتاب il est أوسع فيه شيء من علم الكلام, لكن الإمام الشنقيطي رحمه الله سان إمام في السنة, et il veille l'authenticité avec la voix des gens de la sunna, رحمه الله عليه. Et celui qui étudie entre علم الأصول المذكرة روضة الناظر للإمام القدامى رحمه الله فحسن. وعلى كل حال نحن à notre niveau, et ça c'est important في العلم. Il y en a ces nasa'ih qu'on vient de citer ensemble, ou les conseils de l'ulama, ça dépend du frère. Un frère qui est en France, il n'a pas de durus, il fait pas de, il n'a pas le temps plutôt de faire beaucoup d'efforts fil ilm. On le conseille d'étudier l'usul min al-usul, il s'arrête là, ça lui suffira. Un autre frère, il est dans un marquez, min marakez ahl al-sunna, et il tafarrag lil ilm, tout son temps il fait l'ilm, il travaille pas, il a akhiri du matin au soir et il avance, falhamdulillah, s'il étudie l'usul min al-usul, al-rawda et al-mudhakira, fatayyib, fali kulli maqamin maqal, hada c'est muhim. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد. On a fait cette مقدمة لماذا لأن c'est notre premier dars, et inshallah cette introduction elle servira pour les autres livres si on continue après هذه الرسالة. L'objectif c'est de commencer par الأصول من الأصول ثم القواعد الفقهية de الشيخ سعدي, une risala نافعة, خاصة si on étudie الفقه l'année prochaine بإذن الله عز وجل, au moins on aura ces outils pour comprendre. Et كذلك ça aide dans les autres علوم. أما أصول التفسير, on l'a déjà propagé, dès que vous aurez le temps, إما écouter les دروس الشيخ بن عثيمين, c'est un imam de la sunna, celui qui comprend l'arabe. Ceux qui ne comprennent pas l'arabe, on a simplifié la risala de Ibn Uthaymeen dans des doros avec nos frères. Al-Ajrumiyya wa Allah ilhamd, on l'a fait ensemble. Pour l'instant, nous rakiz ala hatayn al-risalatayn, al-usul min al-usul, et dès qu'on a fini, bi-idhnillahi azza wa jal, al-qawa'id al-fiqhiyya de Sheikh al-Sa'di, rahimahullah ta'ala. Et le prochain cours, on commencera la lecture du livre بإذن الله نكتفي بهذا القدر سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب